écouter de la musique bizarre. Confondu dans un endroit exigu, il aimait se morfondre en regardant son ombre. Il voulait tard le soir écrire ses pensées. Parfois se montrer pour mieux s'oublier. Quelques paroles